cœur s'est arrêté à midi et demi sur cette route bordée de platanes et de chênes. Mon cœur s'est arrêté à midi et demi, personne ne m'avait prévenu alors que je te regardais dormir. Quels yeux auraient dévié devant la fortune. Mon cœur s'est arrêté à midi et demi, y a tant de choses à finir, tant de choses finies. Cœur s'est arrêté à midi et demi, j'étais bien occupé à baiser l'ennui pour ne comprendre qu'on meurt et c'est tout, même quand on aime. Mon cœur s'est arrêté à midi et demi, je n'en ai plus rien à faire de tes yeux, de tes seins. Cœur s'est arrêté à midi et demi, et on va pas en faire toute une maladie pour une poignée de larmes et quelques yeux fous. Demain ce sera l'oubli.